Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, inshallah, on va poursuivre l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc on avait vu dans les derniers cours concernant l'histoire du prophète Moussa alayhi salam que le prophète Moussa alayhi salam est parti en direction de la Palestine avec son peuple, et ils étaient environ 600 000, et Pharaon les avait poursuivis jusqu'à la mer Rouge avec son armée, et ils étaient plus de 1 600 000. Allah a accordé un miracle immense au prophète Moussa alayhi salam. Il a frappé avec son bâton la mer, et la mer s'est fendue en 12 chemins, et entre chaque chemin et un autre, il y avait une montagne d'eau qui restait figée par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le peuple de Banu Israël a traversé et que l'armée de Pharaon est entrée dans la mer, Allah a ordonné à Moussa alayhi salam de frapper à nouveau avec son bâton la mer, et la mer est redevenue telle qu'elle était, et Pharaon et son armée sont morts noyés. Après donc que Moussa, Haroun alayhi salam, les deux prophètes ainsi que leur peuple, après qu'ils ont traversé la mer avec les croyants qui les accompagnaient, le prophète Moussa alayhi salam est arrivé sur un territoire où les habitants adoraient des idoles qui étaient en forme de vaches. Et ils prenaient ces idoles, ces vaches qu'ils avaient formées, qu'ils avaient sculptées, ils les prenaient comme divinités au lieu d'adorer Allah Ta'ala. Et certains qui faisaient partie du peuple de Banu Israël, à cause de leur ignorance, ils ont voulu faire comme les idolâtres qu'ils avaient croisés sur la route. Et ils ont demandé à Moussa de leur fabriquer une idole à adorer comme les autres avaient une idole. Et bien entendu, ceci est de la mécréance. Donc, ça montre à quel point ils étaient graves, ces gens-là. Ils ont vu tous ces miracles qui ont été accordés au prophète Moussa alayhi salam, et malgré cela, ils ont souhaité faire du shirk. Ils ont demandé à Moussa de leur construire une idole afin qu'ils l'adorent. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Ils ont osé réclamer ça au prophète Moussa alayhi salam, et ceci était de la mécréance. Alors Moussa alayhi salam, il était bien entendu en colère, et il les a rappelés à l'ordre, il les a rappelés à adorer Allah Ta'ala et à ne rien lui associer. Ensuite, Moussa alayhi salam a donc reçu l'ordre de se diriger avec les croyants qui faisaient partie des descendants de Israël, du prophète Ya'qub alayhi salam, vers Baytul Maqdis. Baytul Maqdis, c'est la ville de Jérusalem en Palestine. Et quand ils étaient en chemin, ils ont eu extrêmement soif. Alors ils sont partis se plaindre et ils sont partis ronchonner auprès du prophète Moussa alayhi salam et lui ont dit « on veut de l'eau ». Alors Allah Ta'ala a encore accordé un miracle au prophète Moussa alayhi salam et il lui a révélé de frapper une pierre avec son bâton. Encore une fois, toujours le même bâton. Il a frappé une pierre, et cette pierre, elle se déplaçait. C'était une pierre qu'il prenait avec lui, il se déplaçait avec cette pierre, et il a frappé avec son bâton cette pierre, et par la puissance d'Allah, il y a 12 sources d'eau qui ont jailli de cette pierre. Pourquoi 12? Parce que, comme je vous ai déjà dit précédemment, il y avait 12 tribus de Banu Israël qui descendent des 12 enfants du prophète Israël, qui est le prophète Yaqub alayhi salam. Et parmi ces 12 enfants, comme vous savez, il y avait Youssouf alayhi salam, il y avait Binyamin alayhi salam, donc Joseph et Benjamin, et il y avait leurs 10 frères. Donc ces descendants, les descendants de ces 12 frères ont formé les 12 tribus. Et pour chacune des 12 tribus, il y avait une source qui leur était réservée. Et donc ils pouvaient boire de l'eau qui sortait de la pierre, alors que ça n'était pas un rocher qui était figé au sol. C'était une pierre que le prophète Moussa alayhi salam prenait avec lui, et quand ils avaient besoin d'eau, alors le prophète Moussa alayhi salam frappait cette pierre avec le bâton et de l'eau en sortait. Et chaque tribu savait de quelle source elle devait boire, et ils pouvaient boire donc de l'eau qui était délicieuse et qui était pure. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. C'est-à-dire que le peuple de Moussa, عليه السلام, ils ont demandé à Moussa de l'eau. Alors Allah a ordonné à Moussa alayhi salam de frapper une pierre, de frapper la pierre avec son bâton, et de cette pierre sont sorties 12 sources d'eau. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Chacun savait d'où il devait boire cette eau, yani de quelle source. Et Allah dit: kulu washrabu min rizqillah. Mangez et buvez de la subsistance qui provient de Dieu. Voilà, ta'athaw fil ardi mufsidin. Et ne faites pas de corruption sur terre, ne semez pas de troubles et de corruption sur terre. En plus de cela, dans leur voyage, Allah leur a accordé d'autres bienfaits éminents. Allah a fait que ce peuple ait beaucoup de bienfaits à cette époque-là. Et parmi ces bienfaits, Allah a fait descendre du ciel pour eux la manne et l'écaille. Et donc ils pouvaient se nourrir et ils pouvaient boire sans aucun effort et sans aucune fatigue. Et après tout cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont lassés et ils ont trouvé que c'était ennuyeux de manger toujours la même chose. Allahu Akbar. Dieu, il leur accorde de quoi boire, de quoi manger sans aucun effort. Et au lieu de remercier Allah pour les bienfaits qu'il leur a accordés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent et ils disent: oui, c'est toujours la même chose, on veut autre chose. Et donc ils ont demandé à Moussa, alayhi salam, de remplacer cette nourriture céleste qui leur a été accordée par Allah, de remplacer cela par ce qui pousse de la terre, les légumes, les fèves, les lentilles, les oignons, etc. Moussa alayhi salam, il a réprouvé cela, il les a conseillés et il leur a fait comprendre que c'est des bienfaits que Dieu leur a accordés et qui sont mieux que ce qu'ils demandent. Mais bon, toujours, ceux-là, ces gens-là, ils se plaignaient et ils voulaient autre chose. Allah Ta'ala dit à ce sujet: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. C'est-à-dire, ils ont dit: يا موسى, ô موسى, لن نصبر على طعام واحد. On n'est pas patient à manger toujours la même nourriture. فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. Alors demande donc à ton Seigneur. Regardez leur façon de demander. Ils disaient: allez, va demander à ton Seigneur. Demande donc à ton Seigneur qu'il nous fasse pousser de la terre des légumes. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. On veut des concombres, on veut des lentilles, on veut de l'ail, on veut des oignons. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Il leur a dit, vous voulez donc remplacer ce qui est meilleur par ce qui est moins bon, par ce qui est moindre que cela. اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. Allez donc dans n'importe quelle ville et vous aurez ce que vous demandez. Donc dans n'importe quelle ville il y a cela, mais Dieu il vous a accordé mieux que cela. Donc, ils ont continué leur route en direction de Jérusalem. Et quand ils sont arrivés à la porte de Jérusalem, quand ils se sont rapprochés de Jérusalem, il s'avérait que cette ville était habitée à l'époque par des gens qui étaient injustes. Ils étaient grands de taille, ils étaient forts, ils étaient violents, et ils étaient connus pour leur mécréance et pour leurs crimes, leurs mauvaises actions. Alors Allah Ta'ala a ordonné à Moussa alayhi salam, qui lui-même a ordonné à son peuple d'aller combattre les injustes qui étaient dans la ville de Jérusalem. Certains ont dit que c'était des Kan'aniyin, c'était ceux qui restaient de Kan'aniyin. Donc, d'aller les combattre, de faire le djihad pour pouvoir pénétrer dans la ville qui leur était promise, parce que c'était la terre promise. À l'époque, c'était la terre promise pour le peuple de Banu Israël. Promise par qui ? Promise par Allah. Sauf que ils avaient, pour avoir cette ville-là, ils avaient l'ordre d'aller combattre les mécréants, les injustes qui étaient dans cette ville. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Devinez. Ils ont refusé le combat. La plupart d'entre eux ont fait preuve de lâcheté. Ils avaient peur des adversaires et ils ne voulaient pas combattre. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Donc, c'est-à-dire que, premièrement, Moussa alayhi salam, il a rappelé les bienfaits d'Allah sur son peuple. Il leur a dit, rappelez-vous les bienfaits que Dieu vous a accordés. Il a fait qu'il y ait parmi vous des prophètes, puisque Moussa et Haroun étaient des prophètes, donc il vous a accordé des prophètes, et il vous a accordé des biens qui n'ont pas été accordés à qui que ce soit d'autre parmi les gens sur terre. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Ce que Dieu vous a accordé, il ne l'a pas accordé à autre que vous. Et suite à cela, il leur a donné l'ordre de combattre. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Il leur a dit, ô mon peuple, entrez dans la terre sainte, الأرض المقدسة, donc la ville de Jérusalem, c'est-à-dire combattez les injustes et entrez dans la ville. Et allati kataba Allahu lakum, cette ville que Dieu vous a promis et que Dieu vous a accordé. Wa la tartaddu ala adbarikum, et ne faites pas marche arrière. Ne faites pas preuve de lâcheté. Ne faites pas demi-tour. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. Parce que si vous faites demi-tour, si vous refusez de combattre, alors vous serez perdant. Alors, ils ont refusé, comme Dieu le dit dans le Coran. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. Ils ont dit, ô Moussa, il y a dans cette ville un peuple de gens qui sont injustes, des tyrans, et on n'entrera pas dans cette ville tant que eux ne sortent pas de cette ville. On attend qu'ils sortent. Et lorsqu'ils sortiront de la ville, à ce moment-là, on entrera à Jérusalem. C'était honteux de leur part. Mais dans le peuple, il y avait deux hommes à qui Allah Ta'ala a accordé l'islam, c'était des croyants, ils avaient la foi et ils étaient pieux, ils étaient obéissants. Et en plus de cela, ils avaient du courage et ils avaient dans leur cœur al-khushu', la crainte d'Allah Ta'ala. Alors eux, ces deux personnes, ils ont conseillé également le peuple de mener ce djihad et de faire preuve de courage et d'aller attaquer les tyrans. Et ils leur ont dit, entrez par la porte, par la grande porte. Comme ça, les gens, les injustes qui sont dans la ville, ils auront peur en voyant l'audace que vous avez à entrer par la porte principale de la cité. Ça va les saisir d'effroi, ils seront terrifiés. Et Allah vous accordera la victoire. Et leur ont dit, fiez-vous à Allah Ta'ala, fiez-vous à Dieu, c'est un ordre de la part de Dieu, donc fiez-vous à Dieu. Remettez-vous-en à Allah Ta'ala, et Dieu vous accordera, Allah vous accordera la victoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé, comme Dieu dit dans le Coran. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. C'est-à-dire, قال رجلان, il y a deux hommes qui ont dit. Et ces deux hommes, c'est qui ? Min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhima. C'est deux personnes qui avaient la crainte d'Allah et à qui Dieu a accordé ce bienfait qui est l'obéissance à Allah et la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Udkhulu alayhimul bab. Entrez par la porte principale dans la ville. Fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Et lorsque vous entrerez, Allah vous accordera la victoire. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Et fiez-vous à Allah si vous êtes des croyants. Si tu es croyant, alors fie-toi à Dieu et obéis à Allah et Dieu t'accordera la réussite et la victoire. Petite parenthèse, il y a des gens qui m'ont demandé à plusieurs reprises qu'est-ce que l'on récite avant d'entrer dans un entretien d'embauche ou bien avant de faire un examen. Certains ont dit qu'il est bien de réciter ce verset du Coran. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. C'est le verset numéro 23 de Sourate Al-Ma'idah. Si tu as des examens ou ce qui est de cet ordre, tu récites ce verset avant d'entrer dans la pièce, avant d'entrer dans la salle où tu vas faire ton examen, par exemple. Donc, ils ont refusé. Et Allah dit dans le Coran, قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا. إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ. Ils ont osé dire, ô Moussa, on n'entrera jamais dans cette ville tant qu'ils sont à l'intérieur de cette ville. Nous, on ne va pas combattre. Et ils ont osé dire, فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. Va donc toi et ton Seigneur pour aller combattre. Regardez le manque de respect et le manque d'éducation dans leur façon de parler au prophète, l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ. Ils ont dit, nous on est là et on reste là, on ne bouge pas. Alors, Moussa alayhi salam s'en est remis à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il a invoqué Allah ta'ala. Et Allah a puni les injustes, ceux qui ont refusé d'obéir, et ils étaient un grand nombre. Allah les a punis d'avoir désobéi à leur prophète. Et c'était quoi la punition? C'était qu'ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Ils étaient perdus dans le désert. Ceux qui avaient désobéi à Allah ont erré pendant 40 ans dans le désert sans retrouver leur chemin. Allah Ta'ala dit à ce sujet, قال فإن أنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. C'est-à-dire que Dieu, subhanahu, il a révélé à son prophète Moussa, alayhi salam, que cette terre qu'ils ont refusé de pénétrer pour combattre les tyrans, elle leur serait interdite pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, ils vont errer sur la terre, hein, dans le désert. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Ô Moussa, ne sois pas tourmenté quant au sort de ces gens qui sont des pervers, qui sont des grands pécheurs. Et donc ils se sont mis à se déplacer, jour et nuit. Ils allaient et ils revenaient. Et ils tombaient à chaque fois sur leur point de départ. Et ça a duré 40 ans. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tous ceux qui avaient refusé de combattre, ils meurent. Et il ne restait alors que leurs descendants et les deux hommes qui étaient pieux et qui avaient la crainte d'Allah, ces deux hommes qui avaient conseillé le peuple également. C'était qui ces deux hommes? Certains ont dit que c'était Yusha, fils de Nun, et Caleb, fils de Yufna. Et Yusha, fils de Nun, par la suite, il est devenu prophète après la mort du prophète Moussa, alayhi salam. Et ces deux-là, donc Yusha, alayhi salam, et Caleb, ils étaient donc vertueux. Donc on voit dans ce récit à quel point le fait de désobéir à Allah et de désobéir au prophète qui nous a été envoyé, ça a de mauvaises conséquences, non seulement dans l'au-delà, mais aussi dans ce bas monde. Non seulement dans l'au-delà, parce que celui qui désobéit mérite un châtiment, mais également dans ce bas monde. Regardez, ils se sont perdus pendant 40 ans, ils ne retrouvaient pas leur chemin parce qu'ils avaient désobéi au prophète Moussa alayhi salam, alors que la terre promise était à portée de main. Il suffisait juste qu'ils obéissent à Allah et qu'ils obéissent à son prophète alayhi salam. Et c'est pas la première fois qu'ils ont désobéi. Par exemple, le prophète Moussa alayhi salam, à un moment donné, les gens lui avaient demandé de lui ramener un livre sacré, donc la révélation de la part d'Allah Ta'ala. Ceux qui avaient cru en lui, et ceux qui l'avaient suivi, ils lui ont dit « Amène-nous un livre dans lequel il y a les lois de la religion et il y est écrit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, etc. » Et ça faisait un moment qu'il lui avait demandé. Et Moussa, alayhi salam, il leur avait promis. Et quand Pharaon a été anéanti et qu'il est mort noyé, et que les musulmans ont traversé la mer, ceux qui suivaient Moussa, alayhi salam, lorsqu'ils ont eu la victoire par rapport à Moussa, ils ont dit à Moussa de leur amener le livre qu'il leur avait promis. Alors, Allah Ta'ala a ordonné au prophète Moussa alayhi salam de jeûner pendant 30 jours et suite à cela d'ajouter 10 jours. Ça faisait donc 40 jours. Et quand il a jeûné 40 jours, le prophète Moussa alayhi salam, il a reçu la révélation de la part d'Allah comme quoi il devait aller à un endroit précis. Et entre parenthèses, les 40 jours, c'était lesquels? Certains ont dit, d'abord c'était 30 jours. Au départ, ils devaient jeûner 30 jours. Et c'était le mois de Dhul-Qa'dah. Le mois de Dhul-Qa'dah, les 30 jours de Dhul-Qa'dah. Et c'est quoi le mois qui est juste après Dhul-Qa'dah? C'est Dhul-Hijjah. C'est Dhul-Hijjah, le mois dans lequel nous sommes. Et ensuite, il lui a été ordonné d'ajouter 10 jours de jeûne. C'était quoi ces 10 jours de jeûne? C'était les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et nous sommes actuellement dans les 10 meilleurs jours de l'année, qui sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et parmi leurs particularités, il y a que ce sont les 10 derniers jours qu'avait jeûné Moussa alayhi salam dans sa période de 40 jours. Et il est parti à l'endroit qu'Allah Ta'ala lui avait ordonné, il lui avait désigné, et il a confié la responsabilité du peuple d'Israël, hein, du peuple de son peuple, à qui? À son frère, le prophète Haroun alayhi salam. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. C'est-à-dire, nous avons ordonné à Moussa donc de jeûner pendant 30 jours et après lesquels il devait aller à un endroit où il recevrait la révélation et où il recevrait le livre. Donc, وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ et ces 30 jours, on a ajouté 10 jours. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً et donc, les 40 jours se sont terminés et Moussa alayhi salam a dit à son frère Haroun, وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي succède-moi en ce qui concerne la gestion de mon peuple, وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ et fais le bien, corrige les choses et ne suis pas ceux qui sèment la corruption, ne suis pas le chemin de la corruption. Moussa alayhi salam, il est parti dans un endroit, il a donc quitté son peuple pendant un moment, et quand il est revenu, vous savez ce qui s'est passé? Quand il est revenu, après avoir reçu la Torah, at-Tawrat, la vraie Torah, la Torah authentique, pas le livre qui existe à notre époque, qu'ils appellent la Torah et qui est en réalité plein de falsifications et qui n'a rien à voir avec le livre qui a été révélé au prophète Moussa alayhi salam. Il est revenu après avoir reçu la Torah dans des alwah, dans des plaquettes. Certains ont dit qu'elles étaient en pierre précieuse et d'autres ont dit qu'elles étaient en bois. Et dedans il y avait donc le livre, la Tawrat. Il est revenu les voir alors que c'est eux qui lui avaient demandé de lui ramener le livre. Et il a vu que des dizaines de milliers de gens s'étaient mis à adorer un veau en or. Un veau en or. Après tous les miracles qu'ils ont vus du prophète Moussa alayhi salam, des dizaines de milliers de personnes ont adoré un veau en or. Et ça, inshallah, on en parlera en détail dans le prochain cours, peut-être demain, je pense. Probablement, on continuera sur l'histoire du prophète Moussa, alayhi salam. Donc tout ça pour dire que il y a des gens, même s'ils voient la vérité devant leurs yeux, ils ne sont pas guidés. Ils choisissent l'égarement, ils choisissent le shirk, ils choisissent la désobéissance. Ces gens-là avaient un des meilleurs prophètes avec eux. Et en plus, ils avaient deux prophètes avec eux. Le prophète Moussa, alayhi salam, et le prophète Haroun. Et regardez toutes les désobéissances, tout le mal qu'ils ont commis. Et allant jusqu'à la mécréance, jusqu'au shirk. Quoi qu'il en soit, revenons au sujet du miqat. Miqat Rabbi, le miqat, le point vers lequel le prophète Moussa, alayhi salam, est parti par ordre d'Allah Ta'ala. À cet endroit-là, quand Moussa est parti à un endroit particulier que Dieu lui avait désigné, il a entendu la parole d'Allah qui est éternelle et qui n'est pas des lettres, qui n'est pas des sons, qui n'est pas une voix. Allah Ta'ala a accordé à Moussa alayhi salam une chose qui est particulière, qui est le fait qu'il entende la parole d'Allah éternelle. Et là on parle de l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternelle. Et dans ce bas monde, il n'y a pas grand monde qui a entendu la parole d'Allah. Il y a le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a le prophète Moussa alayhi salam, et certains savants ont dit qu'il y a également le prophète Adam alayhi salam parmi les hommes. Et l'ange Jibril alayhi salam également, il entend la parole d'Allah, il a entendu la parole d'Allah Ta'ala. Et quand on dit la parole d'Allah, j'en ai déjà parlé dans d'autres cours, il ne s'agit pas de lettres ou de sons ou d'une voix. Parce que les lettres, les sons, les voix, c'est des créatures de Dieu. Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures, et les attributs d'Allah ne ressemblent pas aux attributs des créatures. C'est pour ça que l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, qui est parmi les savants du salaf, le vrai salaf, hein, avis à ceux qui disent je suis le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, Abu Hanifa, il fait partie des pieux prédécesseurs. Et il fait partie des grands parmi les pieux prédécesseurs. Il est né en l'an 80 de l'Hégire et il est mort en l'an 150 de l'Hégire. Et dans son livre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Wallahu yatakallamu la kakalamina ». نحن نتكلم بالآلاء والحروف والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. C'est-à-dire Dieu parle. Il a pour attribut la parole, mais pas comme nous parlons. Nous nous parlons avec des instruments, des points de prononciation et avec des lettres. Et Allah parle sans instruments, sans points de prononciation et sans lettres, parce que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Donc la parole d'Allah qui est son attribut, ce n'est pas une langue arabe ou une langue hébraïque ou araméenne ou autre. La parole d'Allah qui est son attribut ne ressemble pas à la parole des créatures. Et Allah a levé le voile qui empêche d'entendre sa parole. Le voile, c'est pas un rideau, je le répète, c'est au sens figuré. C'est-à-dire qu'il a levé l'empêchement qui fait qu'on n'entend pas la parole de Dieu. Il a levé cela pour Moussa alayhi salam, et Moussa alayhi salam a entendu la parole d'Allah ta'ala, comme il l'avait déjà entendu lorsqu'il avait reçu pour la première fois la révélation. Et alors là, Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah de lui permettre de le voir. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran au sujet du prophète Moussa alayhi salam qu'il a dit Rabbi arini anzur ilayk. Donc il a dit oh Seigneur, laisse-moi te voir. Qala lan tarani. Et Dieu lui a révélé tu ne me verras pas. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que dans ce bas monde personne ne voit Allah avec nos yeux, on ne voit pas Allah. Mais dans l'au-delà, il sera accordé aux croyants de voir Allah. Et quand on dit voir Allah, c'est encore une fois, Allah ne ressemble pas aux créatures. Ne vous imaginez pas que ce serait un corps que l'on va voir dans une direction qui aura une certaine taille et qui sera à une certaine distance. Non. Allah n'est pas concerné par les corps, il a créé les corps. Il n'est pas concerné par la distance, il a créé la distance. Il n'est pas concerné par les endroits, il a créé les endroits. Il n'est pas concerné par ce par quoi sont concernées les créatures. Et c'est pour cela qu'un autre savant du Salaf, un autre savant parmi les pieux prédécesseurs, qui s'appelle l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, et qui est né en l'an 227 de l'Hégire, il a dit « وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ » C'est-à-dire, « Et celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, celui-là a mécru, celui-là n'est pas croyant. » On n'a pas le droit d'attribuer à Dieu les attributs des créatures. Mais Allah existe. Du fait que Dieu existe, Dieu dit dans le Coran « Afillahi shak », c'est-à-dire y aurait-il un doute au sujet de l'existence de Dieu ? Il n'y a pas de doute. Du fait que Dieu existe, rationnellement il est possible de le voir. Mais pas comme sont vues les créatures, parce que Dieu n'est pas une créature et il n'est pas un corps. Donc quand on dit que les musulmans, quand ils seront au paradis, ils verront Allah, ça ne veut pas dire qu'ils se dirigeront vers une direction pour voir un corps qui est en face d'eux. Non. Ça veut dire quoi? Nous, à notre niveau actuellement dans ce bas monde, étant donné qu'on n'a pas vu Dieu, on ne peut pas en dire plus. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Et donc les musulmans, ils verront Allah sans que Allah soit à l'intérieur du paradis et sans que Allah soit à l'extérieur du paradis. Parce que Dieu n'étant pas un corps, il n'est pas concerné par le fait d'être à l'intérieur d'une chose ou à l'extérieur d'une chose. Nous, on est des corps. Il ne faut pas faire une analogie entre nous et Dieu. On ne fait pas de comparaison, de correspondance entre nous et Dieu, entre Dieu et nous. Pourquoi ? Parce que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. « Laysa kamithlihi shay ». Toi, là, tu es dans ta maison peut-être, ou dans ta voiture. Et une autre personne est à l'extérieur de sa maison, à l'extérieur de sa voiture, parce qu'il s'agit là de corps. Et un corps peut être à l'intérieur d'un autre ou à l'extérieur de cet autre. Mais Dieu n'est pas un corps. On ne fait pas d'équivalence entre Allah et ses créatures. On ne fait pas de comparaison et d'analogie. Donc on ne dit pas, ah ben Dieu il sera au paradis. Ah il n'est pas au paradis, ben ça veut dire qu'il est à l'extérieur du paradis. Non, Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Et Moussa alayhi salam, à ce moment-là, il ne savait pas que dans ce bas monde, on ne peut pas voir Dieu. Dieu a voulu qu'on ne le voit pas. Donc, il a demandé à Dieu de lui permettre de le voir. Et il a dit, Rabbi arini anzur ilayk. Ô Seigneur, laisse-moi te voir. Et Dieu lui a révélé, qala lan tarani. Il lui a révélé que tu ne me verras pas. Walakin, qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'il lui a révélé? Il y avait une montagne à cet endroit-là. Et Allah lui a révélé que il allait faire que la montagne, elle puisse le voir. Et que si elle reste intacte et qu'elle ne bouge pas après avoir vu Dieu, alors à ce moment-là, Moussa alayhi salam pourrait voir Allah. Sauf que quand Allah a créé dans la montagne la perception de pouvoir voir, la perception, la possibilité de voir, et qu'elle a vu Allah, elle a explosé et elle s'est écroulée. Elle est devenue en poussière. Et à ce moment-là, Moussa alayhi salam, il s'est évanoui. Et il a vu la montagne exploser et elle a été réduite en poussière. Et quand il a retrouvé ses esprits, quand il s'est réveillé, il a glorifié Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. C'est-à-dire, mais regarde donc la montagne, et si la montagne, alors qu'elle va me voir, elle reste telle qu'elle sans bouger, alors à ce moment-là, tu me verras. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, et quand la montagne a vu Allah, elle s'est écroulée et Moussa alayhi salam, elle est devenue poussière et Moussa alayhi salam s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, il a dit Subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Il a dit Ô Allah, exempté sois-tu. Tu es exempt de toute imperfection. Je te demande pardon et je suis le premier des croyants, c'est-à-dire je suis le premier à croire que tu ne peux pas être vu par les yeux dans cette vie d'ici-bas. Dans cette vie d'ici-bas. Parce que Allah n'avait pas révélé à Moussa alayhi salam, ni à aucun autre prophète avant lui, qu'on ne pouvait pas le voir avec les yeux, par les yeux dans cette vie. Mais dans l'au-delà, comme j'ai dit, on pourra voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est réservé aux croyants, bien sûr. Les croyants, ils verront Allah avec leurs yeux éternels, sans que Allah ne ressemble à ses créatures, sans qu'il ait un visage. On dit pas on va voir la face de Dieu. A'ouz billah. Quoi on parle là? On parle de Dieu. Comment dire qu'il a une face? On dit pas on va voir le visage de Dieu. Même quand tu fais des invocations, tu dis pas oh mon Seigneur, montre-moi ton visage ou montre-moi ta face. C'est quoi ces bêtises? Allah ne ressemble pas à ses créatures. Et quand le mot wajh est cité dans certains hadiths, il faut les comprendre tels que les savants l'ont expliqué. Ça veut pas dire que Dieu a un visage ou que Dieu a une face. Faites bien attention à cela, parce que malheureusement, il y a des gens qui traduisent littéralement et qui disent, oui, au paradis, on verra la face de notre Seigneur. Et c'est quoi cet anthropomorphisme, encore une fois? Donc, ceux qui auront cru en Allah et en son messager, dans l'au-delà, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا. C'est-à-dire, et sachez que vous ne verrez pas votre Seigneur jusqu'à votre mort. Donc, dans ce bas monde, on ne peut pas voir notre Seigneur avec nos yeux. Et en ce qui concerne l'au-delà, Dieu dit dans le Coran, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ. Et ces deux versets indiquent que les croyants verront Allah dans l'au-delà. Donc, Moussa alayhi salam, il lui a été révélé la Torah, elle était inscrite sur des tables, hein, et dans la Torah, il y avait des exhortations, il y avait les ordres et les interdictions, les lois de Dieu, il y avait les détails qui concernait le peuple de Banu Israël, les détails que le peuple de Banu Israël avait besoin au sujet de telle chose, est-ce qu'elle est permise, telle chose, est-ce qu'elle est interdite, etc. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. C'est-à-dire, et nous avons fait que soit écrit dans les alwah, dans les tablettes ou les tables, des exhortations sur chaque sujet et des détails que le peuple allait avoir besoin. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ, et donc prends-les avec fermeté et avec l'intention ferme de les appliquer, d'appliquer ces lois. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, et ordonne à ton peuple également de suivre les lois qui sont dans la Torah. Et Moussa alayhi salam, comme j'ai dit, il est revenu voir son peuple et il a vu que des dizaines de milliers de gens avaient mécru et s'était mis à adorer un veau. Allah dit dans le Coran, وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. C'est-à-dire, et nous avons donc fait ce wa'd à Moussa, cette promesse à Moussa, et tout ce que je vous ai cité là, pendant 40 jours, ce que Moussa alayhi salam lorsqu'il a jeûné pendant 40 jours, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ, et après son absence, vous avez adoré le veau, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, et vous avez été injuste. Inch'Allah, on parlera du veau en or demain, بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. بَارَكَ fikum. S'il y a des questions, on va essayer de répondre à quelques questions, bi'idhnillahi ta'ala. Et en attendant les questions, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours directement par WhatsApp quelques minutes avant chaque live. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam sans apostrophe .simplement@gmail.com. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Donc je vais voir si vous avez écrit des questions. Quelqu'un demande, est-ce qu'il existe un hadith dans lequel il est dit que nous verrons Allah comme on voit la lune? Alors, ce hadith signifie que tout comme on n'a pas de doute quand on voit la lune une nuit de pleine lune, de la même manière, on n'aura pas de doute lorsque on verra Allah dans l'au-delà. Donc, il n'y a pas de comparaison ici entre Allah et la lune. Il n'y a pas une ressemblance qui a été donnée entre Allah et la lune. Allah ne ressemble pas à ses créatures. Le hadith, innakum tarawna rabbakum, il a dit alayhi salatu wassalam, ama innakum tarawna rabbakum yawm al-qiyamah kama tarawna al-qamara laylat al-badr la tudammuna fi ru'yatih. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Et il signifie que dans l'au-delà, vous verrez Allah. Et dans le sens que vous n'aurez aucun doute que c'est Allah que vous voyez, tout comme lorsque vous voyez la lune une nuit de pleine lune, vous n'avez pas de doute que c'est la lune. Tu n'es pas en train de te dire, est-ce que c'est un lampadaire? Est-ce que c'est une bougie? Est-ce que c'est une étoile? Tu sais très bien que c'est la lune. Quand il n'y a pas de nuage, tu vois la lune, c'est la pleine lune, tu n'as aucun doute que c'est la lune. De la même manière, tu n'auras pas de doute. Donc c'est dans le fait de ne pas avoir de doute qu'il y a une correspondance ici, une ressemblance. C'est pas une ressemblance entre Allah et la lune. Alors pour ceux qui ne sont pas arrivés à temps, sachez que vous pouvez la revisionner et vous pouvez même, pendant le live, cliquer sur la barre rouge qui est en bas de la vidéo et la remettre en arrière. Pendant le live, vous serez en décalé, vous regarderez la vidéo en décalé. Quelqu'un demande quel est le jugement du musulman qui ne cesse de mentir. Bah, à chaque mensonge, il commet un péché. Et il a été rapporté dans un hadith que celui qui ment, et qui ment, et qui ment, et qui ment, et qui multiplie le mensonge, il sera inscrit en tant que kadhab, comme un menteur. C'est-à-dire un menteur récidiviste. Un menteur récidiviste, et celui-là mérite un châtiment dans l'au-delà. Alors, la question sur la zakat, si tu veux faire simple, si tu divises 2,5% de ce que tu as, que tu as possédé pendant un an, et qui a dépassé le seuil de la zakat, à partir du moment où ça dépasse le seuil de la zakat, tu comptes une année, ce que tu as gardé pendant un an, si tu divises par 40, ça veut dire que c'est 2,5%. Tu divises par 40, tu donnes le 40e en fait. Voilà. À qui tu donnes ? Soit tu donnes à un des ayants droit, hein, les catégories d'ayants droit, soit tu mandates quelqu'un, si toi tu connais pas des pauvres qui remplissent les conditions, etc. Tu mandates quelqu'un en qui tu as confiance, qui fera cela pour toi. Quelqu'un de digne de confiance, et il lui-même la distribuera pour toi. Quelqu'un demande, est-ce qu'on peut faire du zikr pendant que l'imam prêche au mimbar? Non. Pendant que l'imam, il fait le discours du vendredi, il nous est demandé de nous taire. Et on fait pas de zikr. La seule chose, c'est quand il cite le nom du prophète Muhammad, on dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. Mais on fait pas du zikr à ce moment-là, il nous est demandé d'écouter. Quelqu'un demande, le tapis de prière est-il obligatoire pour prier? Non. À partir du moment où l'endroit où tu pries est pur, il n'y a pas d'impureté sur le sol, tu peux prier même au sol, à même le sol. Est-il possible d'interpréter les rêves ou est-ce un don d'Allah? C'est un don d'Allah qu'il accorde à certains de ses esclaves vertueux. C'est pas une science qui s'apprend comme on apprend les autres sciences. La direction pour la prière en Île-de-France, c'est le sud-est. Là, tu me parles en degrés, ça dépend des boussoles. Il y a des boussoles à 400 degrés, il y a des boussoles qui sont faites autrement. D'une manière générale, c'est sud-est, même sans que tu regardes les degrés. Tu regardes le sud, tu regardes l'est, et tu... La Mecque, elle est au sud-est de Paris, donc tu te diriges vers le sud-est. Alors, il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu, du coup, je vais passer pour les questions qui n'ont pas eu de réponse, d'accord ? Si vous voulez que cette chaîne elle continue à exister, évitez de me poser des questions dont la réponse pourrait provoquer la fermeture de cette chaîne, malencontreusement. Barakallahu fikoum. Alors, pour les questions sur le mouton, Inch'Allah, on va faire un cours avant l'Aïd, et on parlera de ce sujet, et je vous dirai les informations que je connais là-dessus. D'accord ? Alors, tu me demandes de faire un cours sur le monde des djinns. Je ne sais pas quoi te dire à ce sujet, j'ai pas beaucoup d'informations sur ce sujet. Après, dans les cours sur la croyance, on explique ce qui nous a été donné comme information au sujet des djinns. Et j'en ai déjà parlé, mais après un cours sur le monde des djinns, je n'ai pas d'infos. Alors, « Barakallahu fikoum. Du coup, on va s'arrêter là. Je vois qu'aujourd'hui, vous avez posé plusieurs questions tendancieuses auxquelles je ne peux pas répondre. Mais je pense que vous comprendrez. Barakallahu fikoum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Je vous dis à demain, inshallah, et demain on continuera sur le prophète Moussa alayhi salam. Et de toute manière, avant l'Aïd, on fera un cours sur l'Aïd et sur le mouton. Et n'oubliez pas de jeûner, et surtout de jeûner le jour de Arafat qui sera lundi. Inshallah ta'ala, lundi 19 juillet 2021. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته